Allez, on fait le début de cette émission avec Maëva. Comme ça, place à la femme, place au pouvoir. Maëva, tu sais quoi? Tu es la reine de cette émission. Maëva Power. Tu es Maëva Première. Maëva Première. Il y a une espèce de couronnement, tu vois. C'est pas le carnaval ici. Ah, pourtant elle s'habillait comme... C'était classe, tu vois, ça allait là et d'un coup ça a redescendu comme ça. Vas-y, c'est bien, c'est bizarre, il est gentil. Bah, elle est tout en noir, elle va à un enterrement là. Ah non, pardon, j'avais pas vu le bas. C'est le outfit. Alors on décrit pour les auditeurs, s'il te plaît, en podcast. Mon outfit ? Bah oui. Alors j'ai un petit body noir, Lancomange, avec les épaules un petit peu dénudées. Waouh ! Mais pas qu'un peu. Antoine qui est juste à côté, tire un peu sur le dénudage. Non. En mode du don. Pas du don. Enfin, du don. On ne touche pas. Oh, surtout. N'y touche pas. Ni demain, ni jamais. Qu'est-ce que t'as dit ? Bah, ni maintenant, parce qu'on est actuellement. J'avais entendu ni de nain. Ah mais non. Enfin. N'y touche pas. Ni de nain, ni jamais. Ni demain. Oh. Laisse ça pour toi. Bref, merci d'avoir choisi ce podcast. On est là avec vous chaque mercredi soir. Ça sort, voilà, c'est en ligne. Il est fort probable que vous nous écoutez jeudi, voire même vendredi. Ça se trouve, vous êtes en week-end avec nous et on est ravis. Ravis, monsieur. Ravis. Il faut mettre des étoiles en bas du podcast. Comment ça fonctionne, Antoine, pour mettre une étoile? Oh, ben vous scrollez jusqu'à ce que vous voyez en général les évaluations des précédentes personnes qui ont laissé une petite étoile. Et c'est toujours le moment aussi pour nous laisser un joli petit commentaire. Tiens, on n'a jamais été les lire. Allez, c'est vrai. Allez, je vais le faire. Alors, Jadou lit ses commentaires en live, c'est là où ça tourne mal. C'est là où c'est noté pas de commentaires. Attends, je regarde, je cherche. Oh putain, on a des avis. Allez. Auditivement correct. What? Non. Cette émission a tout pour plaire, même si les animateurs ont du mal à articuler. Sérieux? Ils bafouillent souvent. Bon. Parce que vous voulez dire. Mais on les aime quand même, je vous jure, c'est un avis. C'est pas possible, c'est toi qui l'as mis. Mais non, hier soir, j'ai écrit ça, moi. Alors, il y a vraiment des gens qui. Enfin, ouais, ils ont pas tort. Il y a vraiment des gens qui nous écoutent. Non, qui pensent, ouais, qui pensent la vérité. Oh, on a 448 épisodes. Ça fait du bien d'aller voir sur cette page. Et c'est canon. Et franchement, et on a 5 étoiles pour le moment. Ça remonte le moral. Et continuez à mettre des évaluations et surtout, soyez gentils parce que. Bon, il est gentil le commentaire en soi. Merci. Oui, bien sûr. Pavel D12 qui nous a écrit ce commentaire. T'embrasse, toi qui es toujours abonné à ce podcast. Sur ces belles paroles, c'est rempli de confiance en soi que l'on va démarrer cette nouvelle émission. Pardon, je faisais honneur aux commentaires. Il a fait un bruit, ça fait chatouille à mon oreille. Oh. Bon, tu sais quoi? Maëva, chatouille-toi l'oreille, bon dans le générique, tu vas bien? Oui. Allez, on démarre. Starts now. Faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h c'est direct, on va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Ils vont délire ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. 3, 2, 1, go! Tous les mercredis, la trappe avec Jadoul et toute son équipe en podcast. Wow! Je me suis dit, on a pensé absolument à tout, sauf à vérifier si les micros fonctionnaient. Ça fonctionne? Oui, ça m'a tout l'air. Bienvenue dans l'émission qui vous accompagne toutes les semaines pour vous changer les idées et pour surtout ne rien prendre au sérieux. On a plein de choses, vous inquiétez pas, là on a une émission aux petits oignons. Ah là il le dit bien, là il le dit bien. Ah oui, je vais pas me faire avoir tout le temps. Hein, normalement Kix, il fait pas bien la différence, il dit aux oignons. A-t-il été forain dans une autre vie et a-t-il fait des baraques à oignons et hot dogs? J'ai enlevé le petit cette fois-ci, je l'ai... Et c'est vrai non, j'ai rajouté, pardon. On retire un petit morceau d'une expression, ça change tout le sens. Ouais, c'est vrai. Oh là, mais bon. Mon Dieu. On va éviter de détourner d'autres expressions. Je vais plutôt vous annoncer ce qui arrive dans un instant. On va revenir pour la toute première fois dans cette émission sur l'émission Reporter. Ah oui. Oui. Avec, c'est qui présente ça, Antoine? Mickaël Miraglia. Ah oui. Waouh, tu as sorti d'où? Non mais ça c'est venait de loin. On dirait une marque de pâte un peu, Miraglia. Non. Il a fait quoi avant? Il présente aussi le journal sur RTL le week-end. Ok. Ah, ah oui. Ah oui, oui. Et il était dans les pigeons sur la RTBF avant. Oh bah ça nous aide. On a parfois des sons qui viennent des pigeons. La RTBF qui est en galère et qu'on embrasse évidemment. Voilà. Ah ça va, ça m'avait un peu manqué. Ah ouais? Non, vraiment un tout petit peu. Tu t'aventures là. C'est pour ça que je l'ai dit en douceur cette fois-ci. Oui, c'est vrai. Mais que Antoine, vas-y, c'est quoi? Fais-le à fond. Qu'on embrasse. Ça n'a pas assez saturé. C'est vrai, fais-le contre le micro, vraiment. Pour une fois qu'il te laisse le dire. Ouais, parce que là, il faut qu'on perde tout le monde d'un coup. Attends, parce que j'entends pas assez fort dans le micro. Qu'on embrasse. C'est bon, on l'a. C'est fait, le quota est bon. Ce sera pour le podcast. Bien sûr, une séquence où on isole les micros et on vous fait barver. On aura aussi le Végastral. Oui. Notre horoscopiste, monsieur Dominique Vergla. Hey, c'est encore l'hiver pour quelques jours, hein, c'est bon. Dominique Vegas sera là, notre horoscopiste. Avant ça, je vous le garantis, on voulait vraiment une maxi ambiance pour démarrer cette émission. Alors, on a voulu faire venir un MC, genre Big Ali. Ouais. Ouais. Mais il était pas disponible. Oh, nul. Et puis surtout, on n'a pas un big studio. On a Small Ali. Voilà, c'est ça. On a un petit studio. Déjà, 4, c'est compliqué de rentrer. Alors, si on fait appel à Big Ali, c'est compliqué. Alors, on a décidé d'aller encore un tout petit peu plus haut. Ouais. Et aller chercher Dédiqué. Allez. Oh. Dédiqué. Un DJ très connu, hein, qui officie en ce moment sur plein de radios en même temps. Alors, bon, j'ai délégué la tâche de le recruter à Kix. Ouais. Aïe. Je sais pas pourquoi, mais je le sens mal. Pour rappel, il est légèrement dyslexique quand il est fatigué. Oh, je vois pas de quoi tu parles. Donc, on a presque Dédiqué pour vous présenter ce soir. Bonsoir, c'est Dédiqué. Au platine pour l'ambiance de cette présentation, le DJ que vous aimez beaucoup, un pote à moi, Benet. Je noue un autre truc, l'allemand. Ouah, ça envoie. Ah, j'ai mes hémorroïdes qui font un pogo. Putain, y'a le vieux. DJ Benet, tu sais mixer des vinyles? Sur grave, mec. À ce gars-là, c'est Antoine. On s'est rencontrés à mes débuts. J'arrondissais mes fans, moi, en animant les soirées bingo dans les homes à Ever. Ah, t'embrasse ma mère. Elle est posée sur la cheminée. Bonsoir, Antoine. Bonsoir. Allume ton micro, peut-être. Mais il était allumé. Bonsoir, Antoine, bonsoir. Il nous parle de loin, là. Mais c'est pour éviter que ça sature à nouveau. Et on repart. Ah, c'est bon, ça. Merde. Ah, une clope s'est échappée du paquet. Elle est tellement chaude, elle fume encore. Allons, je suis con. C'est Maëva. Bonsoir, Maëva. Bonsoir, Dédiqué. Yeah. Wow, wow, wow. Oh, attendez. Ah, c'est mon réveil qui sonne. Ah non, ah, DJ Benet vient de me dire que c'est les platines qui bug. Oh non. Ah c'est quoi qui nique mon set? Oh non. Ah, j'ai préparé cette soirée en collab avec Los Fréquentation. Fais péter! Kix, qu'est-ce que t'as foutu encore? On t'a dit de ne pas approcher les platines à cause de tes mains qui coulent. Non mais sérieux, t'es tellement maigre que tes organes dansent plus que toi. Bonsoir Kix. Bonsoir. C'était très sympa. Je suis Teddy Gay. J'ai une veine qui va éclater à force de gueuler. Putain, j'ai oublié Janoul. Salut mec. On n'oublie pas de me prévenir, hein, quand ta carrière décollera comme ta mèche. J'ai rien demandé à personne. Bonsoir. Bonsoir. Waouh. J'ai pris l'altitude. J'ai mis ma tête dans le caisson de basse. Oh, je sais plus m'arrêter. Wow, wow, oh, venez me sauver, c'est Teddy Gay. Bientôt, je vais Teddy gueuler. Tous les mercredis, c'est avec un bon morceau de gâteau. Et c'est avec Jaboul. En podcast. Et bien voilà, la foufoumonne. Tiens, direction RTL TV, on n'a jamais fait l'émission reporter. Et je me dis que c'est la bonne occasion de le faire pour une première fois. Belle idée. Ouais. Émission reporter qu'on va découvrir ensemble. Dans la famille du lac, il y a Joël, 49 ans, qui vit depuis toujours avec sa maman Lucette. Ah, sympa ça. Vous voyez, Kix, Maëva. Oui. Vous n'êtes pas seul à vivre ça. Mais il y a aussi sa sœur, Thérèse, 54 ans, et son grand frère, Pierre, 59 ans. Oula, attendez, wow. ça fait un petit peu de monde à la maison. Là. Mais pourquoi tu dis on n'est pas les seuls à vivre ça? Vous vivez chez vos parents, non? Ah oui. Non. Non. Plus jeu de le dire devant tout beau, tu sais. Tu l'as déjà dit dans l'émission. Et il a mûr maintenant, oui, c'est vrai. C'est que de la redite. Hein. Ici, pas un, mais trois Tanguy. Ah. Waouh. Trois Tanguy. Ça va faire chaud dans le frigo, ça. Je savais pas que t'avais des frères et sœurs, Kix. Bah oui. Je suis désolé, je dois le dire, mais voilà, j'avoue. Maintenant, on est au courant. Hein. Chacun a conservé sa chambre d'ado. Joël dort toujours dans son lit, une place. Ah ben c'est sympa ça, en fait autant aller en prison. Vous savez, en cellule. Là au moins on a un lit, une place, ça gêne personne. Ah non, c'est très sympa. Et la mère, elle a pas envie de faire autre chose que de vivre sa vie de maman. Sa mère, qui vit seule, séparée de son père depuis plus de 40 ans. Ah oui, bon, en fait ça l'arrange en fait. Mais non, elle aurait pu refaire sa vie quand même, non? Et les tâches ménagères sont réparties. Joël repasse, Pierre bricole. Et Thérèse, la sœur, cuisine pour tout le monde. Ah non, mais attendez, j'ai compris, elle a trouvé le filon pour avoir trois domestiques. Ah oui. C'est déjà ce que j'aime moi. Et nous, on subit. Ah, on subit. Elle est cinglée en fait, ça doit être sympa les repas de famille. Ah non, en fait, c'est toute l'année. Tous les mercredis. C'est avec Jadoul. En podcast. Ah bon, parlons de Maëva. Ah, c'est à moi? Bienvenue. Tu vois, bonjour, ce papier. On est où là? Qu'est-ce que c'est ça? Une conduite. Eh bien, c'est justement ce que j'étais en train de te dire. J'ai perdu ma conduite. Mais c'est pas grave, je suis mais là. On te l'a imprimé, on te l'a mis. Mais oui, mais. Vous vous rendez compte? Elle est perdue. Maëva. Oui. Le Fallait nous le dire plus tôt nous parle justement de très. De je sais plus quoi. De vilain les mots. Des gros mots, des insultes. Le vilain les mots. Vous disiez pas ça quand vous étiez petit. C'est des vilains les mots. C'est où vilain les mots? Ouais. Donc je vais vous essayer de vous faire deviner d'où viennent certains gros mots. Tu disais comment toi les gros mots quand t'étais petit, Antoine? Un gros mot. Un gros mot. Ouais, un gros mot. Des mots qu'on peut pas dire. Ouais. Hein, des vilains les mots. Des grossièretés. Des grossièretés. Oh, il a dit un gros, gros mot. Ah bien. Je vais le dire à madame. Madame. Maman, j'ai entendu Maëva dire un gros mot. Elle a dit merde. Elle a dit que la femme qui vient souvent quand t'es pas là, ben c'est la salope que maman peut pas savoir. Ok, non, c'est plutôt enfoiré là que je vais essayer de vous faire deviner. Allez, enfoiré. Enfoiré. Quand on traite quelqu'un d'enfoiré, d'où ça vient tout ça? C'est un hommage à Coluche. J'allais le dire. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Qu'est-ce que ça signifie, enfoiré? Je sais pas, moi je dis ça pour dire bonjour, alors... Enfourné? Non. Je sais pas. Antoine, une idée? Non, est-ce que ça a une... Ça a une signification, littéralement, ça veut dire quelque chose, enfoiré. Ah, j'enfoire. J'adore une idée. C'est en rapport avec un métier? Non. Une activité? Okay. Non. Quelque chose qu'on faisait dans le passé qu'on fait plus maintenant. J'espère pas, parce que c'est vraiment pas cool. Une personnalité? Quelqu'un qui s'appelait Enfoiré, peut-être? Non. Personne? Monsieur non. Enfoiré? Bon. Bah ouais, peut-être. Non, mais ça veut dire littéralement souillé d'excréments. Oh, bah c'est sympa. Donc je sais pas si on faisait ça dans le passé, mais j'espère pas, parce que c'est donc pas ça. Le monsieur là que j'ai vu hier travailler dans la fosse sceptique. C'est un enfoiré. C'est un enfoiré parce qu'il était plein de caca sur lui. Ah oh. Sinon, on a con et conne aussi. Pourquoi con? Quand dit t'es con, ça veut... Tu nous en refais une, là? Ah ouais, j'en ai... Non, on en fait une par... Non, si, ok. Allez, vite. On fait vite con et conne. Elle fait 2 heures sur. Con et conne. Et quand tu dis à quelqu'un t'es con, ça veut dire quoi? Con, connard, con. C'est une abréviation de con contigu? Non. Concubin? Non. Non, c'est, ça veut dire... Con désignait quelque chose aussi. Et Conos, c'est le même. Non, mais ça, c'est quelque chose, c'est, on en a un petit peu déformé, tu vois. Genre. Du coup, con, c'est un peu dans le même concept que celui qui nettoyait les. Que souillé d'excréments, oui, mais ça désigne quelque chose, là. Clairement. Ah, bah, c'est le caca lui-même. Non. C'est. Les habits que la personne mettait. Non, Antoine ? Antoine se frotte les tempes. J'ai vraiment aucune idée, je me suis jamais posé la question. Je me sens vraiment con, là. Ah oui, pour le coup, je me sens vraiment con, oui. Bah, du coup, je vous donne la réponse. Un con, ça désigne la vulve humaine. Mais du coup, c'est. Enfin, oui, parce qu'en fait, c'était par rapport au. C'est le mythe débile et sexiste du le sexe faible. Donc, t'es un con. T'es. Waouh, ça va. T'es une geekine, je sais pas comment on dit. La vulve humaine de la femme, quoi. C'est quoi une vulve humaine? Ah oui, t'as jamais vu ça, Jadoul? Ah non, qu'est-ce que c'est? Mais la vulve de la madame. Une vulve. Une vulve, je sais pas moi comment ça. Mais ça se trouve où? Mais dans la culotte des filles, Jadoul. Ah là, là. Oui là. Ah, oui. Voilà, donc quand tu dis à quelqu'un qu'il est con, tu dis que c'est un sexe féminin. Voilà. C'est ça. Waouh. Vachon. Tu disais comment quand t'étais petit? Bah, ah ça c'est merci. Marrant. Non parce que ça il y a vraiment plein de mots. Tu disais comment quand t'étais petit Kix? Ça bah je crois que je le disais pas. Bah moi je disais foufoune. Ok. Oui oui j'ai Antoine. Déjà dit ça aussi mais bon. Plus aucune idée. Je disais la nénette. La zézette. La nénette, la kikine aussi il y avait. Ouais voilà. Super. La rugueuse. La kikine, c'est la femme du Kix. Une équipe bourrée de talents. De talents visuels. Wow. Mais comme ici c'est de la radio, c'est pas pratique. Mais enfin, c'est promis, ils vont faire de leur mieux à l'oral. C'est Jadoul. Partout en podcast. Tous les mercredis. Allez, c'est un grand moment de cette émission. Le moment d'accueillir notre phénomène Dominique Vegas qui s'est installé en studio et qui soupire beaucoup. Il nous a rejoint. Bonsoir. Bon, arrêtez. Désolé. Mais vous êtes sous respirateur? Non, ça se trouve que la bonnette, elle sent bon. Elle sent un peu le chocolat comme ça. Oh, dites Dominique. Vous mangez des chocolats ici? Oui, un peu. Un petit peu. C'est ça. Vous savez quoi? La bonnette là qu'il y a là? Oui. Elle est cadeau. Ah, c'est bon. On vous l'offre. Bonsoir Dominique Vegas. Bonsoir Zadoul, bonsoir à tous. Je suis la star des astres et le désastre des voyants. Le signe astral du jour, c'est les taureaux. On vous écoute Dominique. Célibataire, méfiez-vous des amours exotiques. N'oubliez pas le proverbe, qui gobe une noix de coco entière, fait confiance en son anus. Okay. Attendez, elle prévient d'où cette expression là? Ça vient de vos cartes? Non, non, non, dis tout. C'est une expérience personnelle. Oui, bon, ça va. Voilà, j'ai une image dégueulasse là qui vient de passer par ma tête actuellement. Poursuivez. Pour tous. Ouais, non, allez-y, continuez, Dominique. La personne que vous allez rencontrer vous donnera envie. J'avais pas vu qu'il fallait aller à la ligne. Autant pour moi, désolé. Donc la personne vous donnera envie de tenter l'aventure de la vie à deux. Si vous êtes marié, sachez que ce n'est pas parce qu'il y a une vendeuse à la caisse de ces Sephora que l'on ne peut pas voler. Pardon Dominique, mais attendez. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? J'arrive vraiment pas à suivre. Ah oui, désolé. C'est juste Zadoul, tu es un garçon, tu ne connais pas Sephora. Désolé les girls, je vais m'adapter, hein, bien sûr, adapter ma phrase pour que les garçons comprennent eux aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a un gardien dans le goal que l'on ne peut pas marquer de but. Oh oui, mais ça va, j'avais bien compris. Non mais Dominique, la classe quoi. Merci. On est d'accord, ça vient pas de vos cartes ça non plus. Non, c'est toujours de moi. Franchement, je suis assez fier. Oui, non, mais c'est fini. D'accord, vous nous perdez avec tout ça. Laissez votre perso de côté et vous poursuivez pour les prédictions pour les taureaux, s'il vous plaît. Eh bien, il était plus agréable hier soir sous la couette, celui-ci, hein? Non, mon petit bonhomme. Pardon, Dominique. Non, j'étais pas avec vous hier soir. Hein. Je comprends pas parce que moi, j'ai rien fait et j'ai rien à voir là-dedans dans cette histoire. Les taureaux, toujours. Leur sera la tolérance et à la compréhension. Quel que soit votre emploi du temps, la réussite de votre vie sexuelle, non, sentimentale, dommage, deviendra une priorité absolue. Quelle horreur. Je me suis niqué le coup. Désolé. Je vous confirme que la bonnette, elle est pour vous. Hein. C'est plus de la ASMR, là, c'est dimanche. Bon, un dernier conseil, s'il vous plaît, à donner au taureau avant de terminer cette séquence. Bien sûr, avec plaisir. Trouvez une activité qui vous fera faire de l'exercice et assez ludique pour vous plaire. Moi, c'est une bonne idée d'activité. Si ça peut vous rassurer, je suis comme un meuble Ikea. Facilement montable et démontable. Dominique Dominique Lassalle. Je vous laisserai tester. Non, ça va, je suis écœuré. C'est quoi votre nom en suédois, Dominique? Dominicus. Et son ami. Allez, on y va. Merci, Dominique. On vous souhaite une bonne soirée. On s'en va. Au revoir, soleil. Bonjour, ta lune. Non. La lune. Sucez-moi, je suis touffu. Non. Excusez-moi, je suis cocu. Non. Confus. Je. Pardon, désolé. Je suis perturbé. Au revoir Dominique. Le personnel médical qui encadre les gens de cette émission vous informe que l'état des patients n'a pas évolué. Hey, les médecins démissionnent. Non, on veut pas. Ces fous sont libérés 2 heures en podcast. Ce n'est pas acceptable. Jadoul et son équipe. Les gens se jettent dessus. Tous les mercredis. J'ai une très grande nouvelle à vous faire. Henri Antoine, tu fais bien de l'ouvrir. Comme t'es de retour, nous avons adapté notre séquence à compléter par quelque chose évidemment qui se rapproche beaucoup plus de ton âge mental. Bonsoir, je m'appelle Derek. Voulez-vous ouvrir la porte, je désire entrer. J'enquête sur les morts suspectes. Permettez-nous de perquisitionner dans cette maison. N'ayez crainte, j'en ai pour une minute. Ah tiens, ça faisait longtemps. Mais la dernière fois que je suis venu ici, c'était déjà Derek, qui j'ai l'impression que du coup il est là toutes les semaines du coup. Ah oui, c'est vrai que ouais. Comme Antoine n'est pas toujours là. Mais à chaque fois, cette séquence est là. Quand il est là, c'est vrai que c'est redondant pour toi. Oui, c'est un peu redondant. Là, après mes deux grosses semaines de vacances trapiennes. Ouais, on va dire ça. Voilà. Oui, j'ai des rics tout le temps. Bon. Ça va aller quand même. Mais ça va aller. Tu vas pouvoir nous gérer ça. Oui, hein. On est parfait. Monsieur Derek, il nous a manqué quand même. Bonjour, police criminelle, inspecteur principal Derek. Oui, bah ça, on savait que vous étiez là. Vous me manquez de rien, vous êtes bien mis. La musique, je vous demande de l'interrompre le temps d'une pause. D'accord, on coupe la musique. Je pensais que ça vous faisait plaisir, c'était votre générique, enfin. On peut faire l'interview avec vous? Je l'accepte volontiers. Bah, c'est super, et par hasard, vous avez encore besoin d'Antoine parce que ça fait quelques semaines que vous nous l'avez emprunté. Non, il est en liberté. Ah bah c'est super. Merci. Alors on y va. On démarre par toi justement. Antoine, on t'écoute. Est-ce que vous aimez les imitations? Oui, continuez, je vous écoute. Est-ce que vous voulez que je continue? Non, c'est pas possible. Avec ce bon cher Jacques. Vous savez qu'il a fait cette imitation sur la première radio du pays. Et j'en suis pas plus fier. Ça, on l'a vu. À retrouver évidemment sur le Instagram d'Antoine Libot. Bien sûr. C'est Alibot, c'est ça? A tiré du bas Libot. En parlant du bas. Oh, Dieu. Pardon. Bah, dis donc. Maëva. Quand les témoins de Jéhovah sonnent chez toi et qu'ils te disent « Vous voulez savoir comment on ne va pas en enfer ?» Tu leur dis « Oui, continuez, je vous écoute. » Finalement, ça m'intéresse. T'oses pas leur dire non, tu vois, genre « L'enfer, quand même, ça n'a pas l'air cool, quoi. » Et là, tu finis par dire « Je l'accepte volontiers. » Fix, quand tu arrives dans une conversation entre collègues qui te critiquent. « Oui. » Continuez, je vous écoute. Un message à faire passer? Non, du tout. Vous êtes tous drôles cette semaine pour le premier. Oh. Généralement, c'est celui où vous êtes le plus mauvais. Ah, je suis fier de vous. Merci. Merci, Jadoul. On y va. On c'est enregistré, ça? Il y a quelqu'un. On peut leur sortir un jour. Podcast, bien sûr. On continue avec la deuxième. Maintenez le niveau, s'il vous plaît. Un avis sur la durée de formation du prochain gouvernement? Personne ne sait rien. Antoine. Allez. Je. Attendez. Il bouge encore. Voilà, on est tranquille. Oula, ouh, il a frotté son nez au micro. Oh. On y va, Maëva. Quand tu essayes de savoir où a disparu la dernière glace. Personne ne sait rien. Non, jamais. Mais bizarrement, il y en a plein autour de la bouche. Ouais. Allez, je le dis. Jadoul a un compte mime, mais. Personne ne sait rien. On peut avoir le pistolet? Non. Le lien? Le lien, oui, voilà. Ah. Le pseudo, le... On va se contenter de bien la battre, Kix. Voilà, il bouge plus. Quoique, je vous ressuscite. Dernière manche, Antoine. Évitez un nouveau coup de fusil. Ça m'arrive tous les matins. Cadeau. Ah non, il est remort. Sans le micro. Sans le micro. Ah, tu peux garder aussi la bonnette. Ah, mais oui, c'était ça le but, hein, c'est pour garder la bonnette. Il y a un trafic de bonnettes ce soir. Vous savez combien ça coûte pièce une bonnette? Deux. Waouh. Non, mais profitez-en, dans deux semaines, le studio. Allez hop, Valérie Damido, elle passe. Hein. Un coup de Karcher, hop. Un coup de Karcher. Et ça va maroufler sec. Maroufleuse, Maëva. Mais enfin, ne pas mettre les bonnes chaussettes qui vont ensemble. Ça m'arrive tous les matins. Mais oui. Ouais. Oh non, c'est vraiment, ça vous arrive? Non. Mais oui. Non. Ça m'est déjà arrivé, oui, mais. Mais Maëva, on les met ensemble les chaussettes pour que ce soit toujours les mêmes. Ensemble, vous deux. Moi, c'est souvent dépareillé. Quoi, toi, t'as un pot de chaussettes et je pioche. Alors. Mais oui. Eh ben, c'est super ta vie. Bah, on va venir. Sérieux, il y a que moi ici. Bah oui. Oui. Bah, ça m'est déjà arrivé, mais pas tout. Oui. Bah, pas tous les matins non plus, mais. Ouais, Kix, il a très peu de chaussettes. C'est son commerce. Pieds nus. Les pieds, donc. Oui, pardon. Bref, Kix, vas-y, achève-nous. Prendre une douche de 2 heures comme si j'étais riche. Ça m'arrive tous les matins. Non, mais ça, c'est. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est vrai, bah oui. Ça, c'est vrai. Kix et moi, on peut passer des heures sous la douche. Bah, c'est là où je réfléchis le plus, donc ça se pose des questions. Dis donc. Mais non, ouais, pas ensemble. Séparément, merci. On peut isoler ce passage. Ça pourrait servir. Si Dominique Vegas est encore là, il va revenir, alors on va Dominique pas trop l'exciter. Bonsoir. Ah non, non, Dominique. Vous m'avez appelé? Oui, oui, oui. Non, vraiment. Mon fils veut bien prendre une douce avec vous. Non. Écoutez ma belle voix. Suave et envoûtante. Profitez-en. Jadoul est de retour et croyez-moi, lui, c'est tout l'inverse. Waouh! Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Merci de nous avoir choisis. Alors, je vous préviens, d'ici quelques minutes, on va avoir Radio Famignoul. Oh, yes! Ah. Professionnel de la bande FM. Et pas que, puisqu'ils se sont essayés au satellite. Ah! Oui! Oui, je pense que c'est plus oui, en effet, Maëva, plutôt que... Ah, Antoine, tu les connais pourtant. Mais oui. Tu les sens capables pour le satellite, vraiment? Mais non. Ah ouais, bah, il essayait de les encourager un tout petit peu, mais oui, c'est ça. Pas évident. En revanche, je vous propose maintenant qu'on fasse une de nos nouvelles séquences, là, qui est une jeune pousse, comme on dit. Une quoi? Une jeune pousse. Ah oui, ah, j'avais compris, une jeune pousse. J'allais dire, c'est quoi une pousse? Une jeune tox, toxicomane. Une jeune pouf. Encore un autre truc. Il est temps de faire le cinéphile de Maëva. Oui, je vous fais découvrir des petits trucs, c'est sympa, mais forcément en rapport avec le cinéma. Donc voilà. C'est ta première avec cette séquence, Antoine ? Oui, et je suis pas du tout cinéphile, donc ça va être une catastrophe. Oh, génial, ouais, ça va aller. Du coup, je t'explique, il y a 3 manches. Une première, je vous passe les extraits. Et donc, avec les 3 extraits, ben, vous avez. On explique juste la première manche, on fait petit à petit. Ok, ben, la première manche, je vous mets 3 extraits, à vous de trouver le film. Donc 3 extraits du même film, du coup. C'est parti. Viens là. Vas-y, lis. Prière de passage. Plus fort, j'entends pas. Prière de passage. Lis tout. Emplacement réservé. Voilà, maintenant, t'imprimes. Ouais, j'ai la scène en tête et je sais que c'est intouchable. Oh ouais, c'est mais ça, c'est quand, vous êtes super fort. C'est quand il sort de l'Élysée, il prend la tête de l'autre et paf. C'est ça, c'était bien intouchable. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Ouais. Voilà, ah, forcément. Et là, on... Bon, ben voilà, c'était la manche 1, c'est déjà fait. On avance. Cette fois-ci, la manche numéro 2. Pour c'est une fois des que extraits. J'ai un point dans un jeu. Pour une fois qu'on est à l'avance, ça nous arrange pas non plus. C'est des extraits encore, mais je ne vais pas vous les passer. Je vais vous les lire sans expression, rien. Ah, interprétation de l'art. Mais pas du tout, justement. Le but est de le faire de manière totalement neutre pour voir si juste avec les mots, vous allez retrouver. Ah. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Alors, la réplique numéro 1 du deuxième film, c'est... Ou c'est de la folie, ou c'est du génie. Juste ça. Ah. Ou c'est de la folie, ou c'est du génie. Tu viens de l'inventer ou Non mais tu fais oui de la tête, mais les gens voient pas. Oui. Ah, c'est de la radio ici. Oui, c'est ça. Ou c'est de la folie, ou c'est du génie. Génie, d'accord. Est-ce que c'est un lien avec Aladdin? Non. Non mais c'est pas possible. On passe à la deuxième. Oui. On n'a plus de rhum. Pourquoi on n'a plus de rhum? Oh. Parce que Maëva a tout bu. Oh, ça me dit rien du tout. Non. Ok, troisième réplique. Chers amis, Milady, que cette journée demeure celle où vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow. Ah, Pierre des Caraïbes. T'as pas buzzé. T'as pas buzzé. Bah oui, mais j'arrive pas, voilà. Pirates des Caraïbes. C'est une bonne réponse. Wow. Yes. Donc avec les expressions, ça donnait du coup. Chers amis, Milady, que cette journée demeure celle où vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow. Voilà. Il le fait peut-être un petit peu mieux que moi. Ouais. Il y avait de la volonté en même temps. Troisième manche du coup, alors là c'est plus des extraits, c'est juste moi qui vous explique un film, mais le problème c'est que je suis pas super douée pour raconter les films. Ah bah c'est rassurant. Ah oui, ça, on se souvient de ça. Et que j'explique, moi je suis très fort pour expliquer les jeux. Ouais. Donc le film que je vous fais découvrir, c'est l'histoire d'un mec qui est super méga vieux. Et pourtant il va toujours à l'école. Et la fille, c'est une nouvelle dans l'école, elle a plein de tics sur son visage et elle est vraiment palotte et elle est un peu gourde sur les bords. Et donc elle va tomber amoureuse du vieux et même si, enfin le gars il a quand même envie de la bouffer. Oh! Mais du coup, lui aussi va être amoureux d'elle, donc il va la présenter à sa famille et son frère va vraiment vouloir la bouffer aussi, sa copine. Oui, je l'ai. Oui? Twilight! Oui! Mais Kix, tu nous as fait un 3 à la suite. Ouais. Mais au départ, je confondais avec. Attends, c'est qui? C'est pas Brad Pitt là? Non, Brad Pitt là. Benjamin Button. C'est ça. C'était beaucoup trop facile si j'ai des. Enfin. Oui. Mais après, t'as parlé de la fille, tout ça, je me suis dit, oula, non, c'est pas ça. Voilà. Non, ouais, les tics sur le visage, vous trouvez pas que Bella, elle a genre. Oui, c'est vrai. C'est tout dans le film, enfin, je sais pas. J'ai jamais vu Twilight. Moi, j'ai jamais vu Twilight. Mais on va t'équiper. Antoine, je te propose qu'on sorte. Oui. Vous faites pas partie de ces jeunes là qui se prenaient pour un vampire et qui sautaient sur les canapés et tout. Mais non, désolé, moi je m'amusais plutôt avec des satellites. Tout un été, je me suis cachée du soleil, je pourrais être bien blanche. Pareil. Les gens qui se font des morsures et qui se disent ça y est, je suis vampire. T'as froid aux mains. Tu essayes de les cacher à l'école, tu dis non, mais tu pourrais pas comprendre. Ouais. Ah si, je te jure, moi je suis passée par là. Ça j'ai pas fait. Mais t'es quand même blanche. Mais j'ai fait vraiment un été, j'ai vraiment voulu pas aller au soleil pour être blanche comme Michael Jackson. Non, ça par contre j'en suis pas fière, mais voilà. Comme mais comme dans Twilight, ils sont très blancs parce qu'ils sont vampires. Ouais, donc un été, j'ai fait exprès de pas aller au soleil parce que je voulais absolument avoir un teint bien blanc. Et je connais un garçon qui voulait être vampire aussi, mais tout ce qu'il a fait c'est sucer. Le sang bien sûr. Et je pense qu'il est encore dans les locaux le monsieur. Monsieur, vous êtes toujours là? Bonsoir. Oh Dominique Vega est toujours là pour sucer. Quoi? Non, une pastille, un petit chocolat, tout ce qu'il y a. Oui, ça me semble bien. Merci Dominique. Avec plaisir. C'est très crédible. Allez, vous partez pour de bon là. Je ne suis pas sûr. Arrêtez de profiter de la machine à café et du canapé et vous rentrez chez vous. À la semaine prochaine, Dominique. À la semaine prochaine, bisous, bisous. Merci de Dominique. Non. Non, c'est pas Dominique, moi. Merci Maëva. Mais du coup, Jadoul, zéro. Qui que ça a gagné? Ouais, qui a gagné? Enfin, allez, ça y est. On n'y croyait pas, mais on a enfin réussi à trouver un jeu dans lequel il peut marquer des points. C'est vrai que pour les films, ça va, ça devrait aller. Mais félicitations. Merci. Waouh. Je peux rester dans l'équipe? Oui, mais surtout, inversez vos places, parce que maintenant que vous avez switché vos places, je vous avoue que j'ai envie de t'appeler Geek, c'est toi Maëva. Bah oui, j'entends, t'arrêtes pas de m'envoyer des mots doux là, dans le casque hors antenne. Ah oui, bah oui, merde. Ouais, bon, vous réinversez vos places et on continue l'émission? Oui. Allez, oui. Ça me va, parfait. Tous les mercredis, c'est la trappe. Merci de nous avoir choisi. 21h et des poussières à peu près à la louche. C'est comme à la cantine, on regarde pas. Radio Falminoul sera en là dans quelques instants. Nos deux grands professionnels de la radio qui n'ont plus d'antenne. Du coup, on leur prête un peu la nôtre, histoire qu'ils puissent encore continuer à exister. Il y aura le Hockey Boomer de Maëva. Oui, je vais vous faire découvrir des actualités brûlantes. À picorer. Wow. À picorer. Wow. Comme ça, si on en parle à la machine à café demain, vous pourrez dire ah, bah oui, je sais parce que. Bah oui, j'ai entendu. Exactement. La molaire qui l'a dit. Oh non, pas la molaire. Maëva, pardon, ça commence par M, j'ai le droit de me tromper, non? La molaire, c'est vraiment pas gentil. La molière. La molaire, c'est péjoratif à mort, mais la molaire. Pourquoi ce serait pas J'imagine gentil. J'imagine une vieille chose toute rabougrie. Rabougrie. Bon, c'est vrai que ça m'arrive un peu de m'affaler sur mon fauteuil, certes. J'ai une vidéo de toi en train de fondre sur le siège. T'étais fatigué, il était tard. On reçoit des nouveaux sièges en deux semaines. Il n'y a plus d'accoudoirs. Ah, je pourrais plus fondre. Et ils sont moins profonds. Donc je peux te dire que là, il faudrait être raide comme une caissière. Ça, c'est pas cool. Fini les siestes pendant tu l'émission. Tu peux ramener mes petits plaids et mes petits coussins. Mais du tricot tant qu'on y est. Mais enfin. Bon les amis, je vous propose qu'on fasse les inflops. Allez. Les infos qu'il fallait louper ces derniers jours. Avec par exemple celle-ci, la première. Dimitri Bordon a remporté ce dimanche la Coupe du Monde de la chocolatine et du pain au chocolat. Organisée près de Toulouse, face à une vingtaine de concurrents de 12 pays différents. Gros concours là, attention, on est dans la cour des grands. La recette qui l'a amené à la victoire, vous la voulez peut-être? Ah oui, allez, pourquoi pas. Vous avez envie de faire le pain au chocolat du chocolat? Ouais, c'est vrai. Demain matin. Du poivre de Sichuan, en forme de moulin, agrémenté d'une gelée de mandarine, orange amère et du jus de yuzu. C'est du gloubi boulga. Yuzu. Pardon. Yuzu. Mais c'est pas un assureur, ça? Si. Ouais, c'est sympa. Ça, j'en boufferai pas, mais ça a l'air très sympa. Bon, cette recette n'a pas effrayé un jury de 18 professionnels du milieu de la restauration, sauf une, Mercotte, qui a dit qu'elle ne goûtera pas ce truc chelou. Car elle préfère crever. c'est pour bientôt. Pas très sympa. Tu es une traître. Elle est plus proche de la fin que du début, quoi. Non, bah bon, vas-y, restons sur la recette. Tu voudrais qu'on dise ça de ta mère? Mais non. Ah bah tu vois. Mais bon. Elle a pas 150 ans, maman. On y va. Allez, recherche. Quel âge a Mercotte? On veut l'info d'ici la fin de la séquence. Deuxième info, on reste en France avec cette société qui a créé la toute première machine à café qui fait tapis de course. Waouh. Alors le dispositif est simple, vous devez courir 300 mètres pour activer la machine à café. Alors, maintenant, au bureau, faire une pause à café sans dépenser un euro, c'est possible. Mais il faudra se dépenser physiquement. Alors, je vous laisse imaginer l'odeur de vestiaire dans toute la boîte s'il faut un kilomètre de tapis environ par jour pour avoir du café tout au long de la journée. Et la réunion de 16h se fera les fenêtres ouvertes avec des haut-le-cœur. Ah oui. À peu près. Ah, attendez, on m'informe. Il y aura une toute nouvelle fonctionnalité. Si vous voulez avoir du sucre, il faudra faire 200 mètres de plus. Bah oui, en même temps... La vie ne fait pas de cadeaux. Il faut le mériter, le sucre. Troisième et dernière info, un anniversaire a eu lieu cette semaine. Ah, vous savez lequel? Non. C'est un événement. Personnalité connue? De quelqu'un ou de... Non, d'un événement. Un événement. De l'histoire de l'humanité. Ok. Je m'attends. C'était il y a 4 ans. Jour pour jour, maintenant. Attends, jour pour qu'est-ce jour. Qu'on le Covid. Ah oui, oh, le premier confinement. Le tout premier confinement, c'était il y a 4 ans maintenant. Alors vous savez, c'était la galère, hein. Il a fallu des mois pour trouver un vaccin, convaincre les gens de le faire et le fixer à 3 doses. Hein, Kix? À quoi? À quoi? À 3? Je connais pas. Bon bref, à ce sujet. Direction l'Allemagne. Un homme a reçu délibérément 217 doses de vaccin contre le Covid. Dis-moi que la chute, c'est qu'il l'a attrapé. Bah, tu vois, le Twilight de tantôt, bah, voilà le vampire, il est là. Sachez qu'il n'a manifesté aucun effet secondaire à ses 217 doses. Et selon les chercheurs qui ont étudié le cas de cet humain, probablement le plus vacciné de l'histoire, spoiler, il n'a jamais été testé positif au Covid. Heureusement, vous allez me dire. Mais spoiler aussi, il a oublié son rappel du tétanos. Oh non. Oh le con. Donc le gars est décédé en fait d'une éraflure sur un clou rouillé d'un banc public. Ouais, pour en arriver là. C'est vrai? C'est pas vrai. La fin, c'est une blague. Hein. Par contre, mon Dieu. Les 217 doses, c'est vrai. Le tétanos, c'est pas vrai. Mercotte? Oui. Mercotte, elle a 81 ans, hein, dit. Et ta maman? Elle est née en 42. Je pense qu'elle a connu beaucoup de choses. Et ta maman? Maman, elle est née en 71. Oh. Du coup? Bah du coup, maman, elle a... Ah, faut calculer maintenant. Voilà, 50... Attention, elle écoute, hein. Elle écoute, hein. Et j'ai eu ça cette semaine avec ma maman. J'ai m'entendu dire, elle était pas contente quand je lui ai donné son âge. Elle a 50... Oui, non, peut-être qu'elle a pas envie. Bon, non, je s'en fous, maman. Elle fait plus jeune que son âge. Elle a 52 ans, elle va avoir 53. Du coup... Non, 50... Quelque chose comme ça. D'accord, merci. Et elle s'appelle comment déjà? Isabelle. Je m'appelle Isabelle et je vous dis... Gré pas mon âge. Jadoul en podcast C'est comme un pare-soleil à ventouse sur une belle voiture de luxe. Ça dénote. Et c'est une faute de goût. Mais ça nous fait bien marrer. Tous les mercredis, Jadoul. L'info tout à l'heure nous a mené sur un débat hors antenne au sujet du vaccin. Mais alors, c'est pas du tout pour faire une radio sérieuse ici qui fait des débats, pas la première ici. L'idée, c'est juste de partager quand même l'effet secondaire que toi t'as eu, Maëva. Mais pourquoi j'ai pas envie de dire ça à la radio? Mais tu peux dire que t'étais tombée enceinte à cause du vaccin. Mais non, pas du tout. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont eu ça. Il y a eu un retard par rapport aux règles menstruelles. Et donc, du coup, tu n'en parles pas, tu ne le dis pas, du retard, tu ne penses pas que ça peut être ça. Maman! Donc, Tu vas être grand-mère! Mais non, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui fait flipper. Puis tu te demandes, tu vois que t'es pas enceinte, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et après, quand on a commencé à en parler entre copines et tout, on s'est rendu compte que plein de femmes avaient eu ça. Et ça a été prouvé que ça avait eu un impact sur le cycle des femmes. Voilà. Et donc, ce n'est pas Pedro qui t'a donné un enfant? Non, non. D'accord. Je n'ai que Dobby, mon chien. Comme enfant. Oh, ah bah ça. Mais... Ah, les conséquences du Covid quoi. Oh. Ça fait des chiens de chien. Ah, c'est chien vaccin. Ah, ça me dégoûte. Et donc du coup, si parfois t'es en retard à l'émission, c'est toujours à cause du vaccin, c'est ça? Mais qu'il y a des retards. Mais oui, exactement. Ah, okay. Et les séquences pas prêtes, c'est le vaccin. Le vaccin. Non, elles sont prêtes mes séquences. Tu veux qu'on en parle? Attends, on va en parler à l'antenne. J'ai compris. Non, ok. Maëva? Oui. Tu m'avais promis quoi hier? Une boîte de fer Rocher. Si. Je te mettais pas les sons hier soir. Et les sons sont arrivés quand? Aujourd'hui à 18h15. Bah oui, c'est-à-dire à 40 minutes de l'émission, quoi. Ben non, on commence à 20h. Oui, ben le temps que... Ferrero Rocher, hein. J'ai pris tous les auditeurs en témoin. Plus petite boîte. Non, ça va, je prendrai la grande boîte, comme ça je pourrai en manger. Ben oui, comme ça on partage. J'ai voulu te ramener des merci entamés, t'as pas voulu. J'ai volé au travail. Que t'as volé au tournage du 71. Pardon, on peut pas le dire. C'était l'âge de qui ça? C'était l'âge de qui ça, le 71? Mais non, l'émission. Ah d'accord. On fera de l'humour plus tard. On fera de l'humour. Clin d'œil. Du coup, tu veux pas une praline? Enfin, un merci. Ça a été offert par un téléspectateur en mais plus. Mais arrête toi, on ne peut pas se confier avec toi, t'es une pookie, voilà ce que t'es, une pookie. Ouais, parce que tu sais que si tu réagissais pas premier degré, les gens penseraient que c'est une blague, ça fait comme... Ah, mais oui, c'est... Wink, wink. Le truc le plus drôle à la radio, c'est de dire un truc de vrai, mais on pense que c'est une blague. Ah, c'est vrai, on peut faire ça. Oh, c'est pas grave, tu sais quoi? Rattrape-toi maintenant en annonçant la séquence. Ah, donc les petits vieux de la radio, de la bande FM sont là pour faire de la radio. Vous pensez vraiment que ça se résume à ça, leur vie? Non, ils vont aussi au home. À mon avis, ils doivent faire des bingos et là, ils nous font de la radio, c'est Radio Famignoul. Ah bah c'est chouette. On fait le branchement, on connecte leur antenne? Ouais. Oh bah. Ah, ça y est, on est connecté. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falmignoul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où ils ont installé une antenne satellite. J'ai encore craqué, Guy. J'ai acheté une antenne satellite à la brocante. C'est quoi une antenne cellulite? J'ai pas dit une antenne Véronique, j'ai dit une antenne frigolite. Satellite! Oh, et tu me fais dire des âneries. En revanche, j'aurais bien besoin de ton aide pour installer. Allez, suis-moi, on va dehors, mets tes bottes et prends la lampe de poche et éclaire-moi pendant que j'essaye de la placer sur la façade. Ça va quand j'éclaire comme ça? Oh, pas terrible. Je vois pas grand-chose. Ah. Allez, dis-moi, plus à droite ou plus à gauche? Plus à droite, alors. Encore. Encore. Encore un tout petit peu. Allez, ok. Allez, tiens l'antenne sur le temps que je fasse un trou dans le mur. Allez, hop. René, t'as disparu? Éclaire vers le haut et dis-moi ce que tu vois, Guy. Un nuage de fumée tout noir Ah bah oui, mais à Barça. Oh, t'es tombé dans la cheminée. C'est la cheminée. Synchro. Quel débile celui-là. Allez, rassaisis-toi. Je vais te finir te gifler si tu continues avec ta musique du diable. Tu m'as fait trouver dans la cheminée. Bon, on recommencera l'installation quand tu seras sorti de là. Venez. C'est-à-dire que bah, je suis tombé sur l'antenne. Ta parabole, elle est comme une assiette maintenant. Attention, je vais plonger sur toi. Oh, c'était mes côtes. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. Des aventures ou du cap. Casting pour remplacer Jadoul. Allez-y. Jadoul vous dit bonsoir. Le son ne va pas assez fort. Oh, c'est pas terrible. Suivant. Faire du Jadoul, c'est comme faire un bon gâteau. Non, ça ne le fera pas non plus. Désolé. Suivant. Tous les mercredis, Jadoul et sa belle fanfare pour le plaisir des oreilles. Bon, ben, tant pis, on va devoir garder l'original. Jadoul et son équipe. En podcast, tous les mercredis. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde est bien installé? Oui. Oui. Oui. Oui. Oh Dieu, le cri de vestiaire de foot ici. Maëva, a-t-elle passé un bon début de semaine? Oui. Mais tu me parais beaucoup plus reposée que la semaine dernière. Ah bah pourtant pas du tout. Mais Ah c'est vrai? Bah, j'ai hibernée le week-end, peut-être, ouais, ça vient de là. T'as hibernée le week-end? Elle est rayonnante. T'as fait quoi pour... Tu sais quoi, hein, une hibernation chez Maëva? Pyjama. Oh, ça vend du rêve. Dans le lit. Et bah, dodo et série. Avec Dobby, le chien. Avec Dobby, bien sûr, le fils. Mais il est pas encore mort? Mais arrête, non, parle. Non, par contre, ça, c'est pas drôle. Il a quel âge? 11 ans. Oh, c'est bientôt la fin. Non. Ce que tu te rends pas compte, c'est le jour où mon fils va mourir, je vais mourir aussi un peu. Et mon fils. Et mon fils, Dobby. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai, d'accord. J'avais oublié ce petit détail. Ton fils, Dobby. Mon fils, ma bataille. Comme quoi, hein, ça saute une génération, la mère est très belle. Voilà. Bon, on change de sujet. Magnifique, mon fils. Oui, bien sûr. À sa façon. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme Kix. À sa façon. Voilà. Je suis là. Oui, pardon, c'est vrai. On y va, le jeu de la chanson, ça fait longtemps? Oui. Ah, le jeu de la chanson. On vous a prévu un truc un peu nouveau, différent. Ok. Attention, il y aura des questions. Il faut répondre avec une question de décalage. Oh, mais c'est compliqué ça. Ah oui, c'est compliqué. Si vous vous concentrez bien, il y a moyen de ne pas se planter. C'est Lysiane qui va nous faire jouer. Lysiane, t'es prête? Bravo! C'est super. Je propose que Antoine nous fasse... la première. T'es prêt, Antoine? Ça y est, hein? Elle va te donner la première question à laquelle il n'y aura pas de réponse. Bah, d'accord, sans canon, quoi. Sans canon, voilà, c'est ça. Ah, oui, oui. La deuxième question aura la réponse de la première. D'accord. Voilà, donc la première question n'y répond pas. Oui. Attention, voici la première question. Kix vend des photos de ses pieds sur... On n'y répond pas. On garde la réponse en tête et on débarre le jeu. Déjà séduit grâce à... Ah ben on a vidéo ni fun, hein. Ici, ce qui fera toujours zéro à la fin du mois, c'est... Oh, mon humour. Une énigme en mathématiques, on appelle ça... Mon salaire. Le meilleur ami de Kix, c'est... Un problème. Bon, c'était sympa. C'est super compliqué. Oui, c'est dur. Hein. Oui. Je crois que j'ai 2-3 neurones qui viennent se toucher là. Je pense que je suis absolument incapable de faire ça. Bon, alors tant mieux, on va faire Maëva pour la deuxième. Ok. Voici la deuxième avec la première question. On y va. En Belgique, l'homme qui dirige la ville, ce n'est pas un maire, mais un... Mais un... Pff, on connaît la réponse, on la garde dans sa tête et on décale. Ding-a-ding. entretenues sont pleines de... cochons. Comment s'appelle la grosse dent du fond de la bouche? Cool. Comment s'appelle la femme de cette équipe? La molaire. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est un chouette jeu, je trouve. En fait, faut que je vous explique parce que donc voilà, il nous donne quand même, il y a des moments donc il ne faut pas parler pour pouvoir avoir la, donc par exemple la molaire, et il a marqué trou, donc il fallait juste se taire, avoir la réponse en tête, et quand la question suivante se donne, on te donnait cette réponse, et donc tu as marqué trou. Il faudrait quand même dire, tu réécouteras la séquence. Moi j'ai dit trou. Ah oui. Je viens de comprendre. En fait, elle a sorti le mot trou parce que t'as marqué trou. Quand la madame, elle a dit comment s'appelle la grosse dent au fond de la bouche, j'ai dû me taire parce que c'était pour la question suivante que je devais donner cette réponse. Comment s'appelle la dame au fond de la bouche? Et c'était marqué trou. Et moi, j'ai dit trou. Vous insinuez que la séquence n'était pas juste? Oui. Mais non, c'est pas juste, c'est juste moi qui suis bête. Enfin, pas spécialement. Nos mais... routes mal entretenues sont pleines de trous. C'est logique. Un bar est rempli de pochetrons. Ouais. C'est logique. L'homme qui dirige la ville est un bourgmestre. Oui. Mais la grosse dent du fond, de la bouche, la molaire. Non, mais c'est un trou. Il y a marqué trou et j'ai dit trou. Mais c'était ça qu'il fallait dire. Mais la dent du fond, trou. Maëva. Le concept. C'était que. J'ai compris. C'est les réponses de décalage. Est-ce que t'as honte de vouloir exploser le concept? Mais oui, mais j'ai pas compris, j'en peux rien moi. Maëva. Mais parfois. Je viens de niquer la séquence et je pense qu'elle ne reviendra jamais à cause de cette expérience qu'on vient de vivre. C'est dur, les trucs en canon. Qui fait ça à part Jean-Jacques Goldman? Personne. Merci Maëva. Allez. Qu'on m'embrasse. Allez, bisous Jean-Jacques. L'actu connecté. Et les dernières tendances. C'est avec Jadoul. En podcast. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ça. Ah oui, pardon. Dans l'ordre okay. D'abord, on met. Ah, on voilà. Là oui, non mais non. Ah pardon, oui. Bla bla bla bla pouki. Ferme la porte à la pouki dans le sale. C'était ça? Non. Toujours pas, d'accord, attends. Mais non, c'était. Je cherche, j'en ai plein là. Okay. Mais non okay. C'est déjà le blindclet en fait ou. Je sais pas. Ah ok, ok, boomer. Oui. Ah, je m'en souvenais plus. Moi, j'étais sorti. Ok. On l'avait jamais faite celle-là. Non, bah, on ne. Mais c'est vrai qu'on pourrait. On ne même... le fera pas. Bah, on si, ne le fera plus. Tout l'habillage de l'émission, parce que en fait, le principe de la séquence, c'est quoi? Redis-le, Maëva. En gros, je vous donne un peu les infos qui circulent cette semaine pour vous les développer, pour que vous paraissiez, enfin, vous soyez au courant et que vous pouviez en discuter autour de vous. Comme ça, vous avez l'info et après, vous pouvez dire. C'est vrai. Après, tu fais des liens un petit peu raccourcis, quoi. Oui, bon, bah ça va, je fais ce que je peux. Bon, on y va, le hockey boomer, Maëva. Alors, la première info, vous savez qui a gagné Miss Monde, ou plutôt, quelle était la nationalité de la Miss Monde 2024? Oui. Ah non, c'était pas mon buzzer, ça. Jadoul? Je crois qu'elle était belge. Pas du tout. J'essayais de faire rayonner notre pays, hein. Ça va? Non, pas du tout. Ok, d'accord. Ça, il sait pas l'agence belga? Non, les Miss, non. La seule que je sais, c'est pas Iris Mittena ou quelque chose comme ça, mais c'était ça c'était Miss en... Univers déjà, pas Miss Monde, c'était il y a quelques années déjà. Ah, ouais. Oui, mince, okay. Miss Monde. Non, d'accord. Vous n'êtes pas très. Voilà. Heureusement, vous pourrez le dire maintenant. Donc cette année, la Miss Monde 2024, elle est tchèque. D'accord. Tchèque. Tchèque. Non, mais de Tchéquie. La nationalité la tchèque. La Tchécoslovaquie, oui. Oui, voilà. Et donc, je vais laisser le soin à Antoine de donner son nom. À l'antenne. Ah, attention, on se concentre. Tout repose sur tes épaules, Antoine. Attends, il nous faut la musique. Tu as tout un pays qui est sur tes épaules actuellement. Je prends la musique. Vous qui nous écoutez à Prague, à Brno. Ouais. Attention, attention. Dans ces contrées lointaines. Rappelle que la Tchécoslovaquie ne faisait pas partie du RSS. Kristina Pichkova. Oh, c'est pas tout ça pour ça. En vrai, le temps que tu cherches ta musique, il a eu le temps de s'entraîner dans sa tête et. Ouais, mais c'était du grand Antoine. Antoine, c'est à toi. Merci. Voilà, c'est tout pour lui. Donc, du coup, c'est bien Kristina Psix. Oh non, Piskova. Piskova. Piskova, mais et on rappelle Antoine. Christina, donc Christina Piskova qui avait 24 ans, du coup il y avait quand même 112 participantes, c'est samedi, et du coup elle a gagné Miss Monde 2024. Suivante, non. Pourquoi les Suivante, USA... une actrice porno. Alors, elle a fait bugger le site porno. Pourquoi? Pourquoi? Non, pourquoi les USA menacent de supprimer TikTok? Énorme. Car ça devient violent. Comme Jadoul devient violent avec son micro. Je vais me péter les doigts. Et moi j'ai fait une fausse route. Attendez, ça va. En fait, entre moi qui prends le micro, Kicks sont ronds. Oui, ouais. Mais en fait, ça m'a fait faire un grand. Mais au moment du. Il y a eu une petite mouture de salive qui allait dans mon vitre et je décède. Excusez-moi. Donc pourquoi TikTok veut supprimer. Non, pourquoi les USA veulent supprimer TikTok? Mais parce que moi qu'annonce le fallait nous le dire plus tôt. Parce que c'est violent. Pas du tout. Par rapport à... Non, parce que c'est la Chine. Vous voyez les histoires de complot aller plus vers cette idée-là? Ah, mais parce que le TikTok est utilisé par le gouvernement chinois, hein, selon la théorie complotiste, d'espionner tous les Américains parce que les serveurs de TikTok sont pas aux normes ou j'en sais rien. Bah, un bon truc de... Complotiste. Exactement. Théorie du complot. Il a l'air de savoir, donc moi je dirais que Jadoul a la bonne réponse. C'est exactement ça, ouais. Ah. Il y a d'ailleurs une loi qui pourrait être adoptée, hein, carrément, pour supprimer ça, mais enfin. Complotiste comme si. Enfin, c'est vraiment un truc de complotiste, comme si vraiment TikTok espionnait avec les vidéos. Enfin. Alors qu'on sait tous que c'est via Alibaba. Exactement. Mais Antoine, je pense que tu avais aussi un peu travaillé sur ce sujet. Oui, donc, hop, voilà. Le petit correspondant est en direct, s'il vous plaît. Il est en train de répondre à ses messages. Il est en train d'hacker, là. Quand t'auras 5 minutes et que t'auras fini de répondre à tes messages. C'est la Chambre des représentants qui a avalisé un texte cet après-midi. On prend le relais de la télé, vu que la télé parfois ne fonctionne pas. Donc. Là, à côté, arrière, mais c'est en rade. Allez, vas-y, dis-nous tout. Donc pour résumer, c'est une info qui est tombée en milieu d'après-midi. La Chambre des représentants, comme je disais, aux États-Unis, donc a approuvé un projet de loi qui pourrait mener à l'interdiction de TikTok. Et comme disait, comme vous l'avez dit, hein, donc TikTok appartient à une société chinoise et les USA, ils aiment pas trop ça. Ils voudraient que Biden, c'est le nom de la société qui détient TikTok. Biden ? Non, ByteDance. Ah oui, pardon. Vende TikTok à une entreprise dans un pays. Tant que c'est pas la Chine, ça va, c'est ok, c'est bon. Donc si ByteDance était français, par exemple, c'était ok pour l'application TikTok. Voilà, tant que les données des utilisateurs ne sont plus en Chine, Washington est content. Merci beaucoup pour ce flash info, Antoine, notre correspondant qu'on retrouve évidemment d'ici quelques minutes en direct de Washington, D.C. D.C. Et la petite dernière info, c'est un peu général. Est-ce que vous avez suivi un peu ces Oscars qui ont lieu la ligne de dimanche des Oscars à les Oscars qui ont lieu la nuit de dimanche à lundi? Non. La cérémonie. Moi, je trouve que ça tourne vachement sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, voilà, qui nous espionne encore une fois. Mais voilà, les éléments forts, du coup, vous avez vraiment rien, aucun commentaire. J'ai vu passer des trucs, Pix, je crois, personne n'a regardé. Pix Plus. Mais franchement, d'avoir vu les extraits, je trouve que ça devient de plus en plus un show vraiment sympa. Ah, moi, je pensais que c'était l'inverse. De quoi? Comme par exemple les Césars, ça se rétrécit d'année en année, j'ai l'impression. Moi, je trouve que c'était sympa. Mais du coup, dans les éléments forts, on remarque Oppenheimer, qui a tout raflé, forcément. Ouais. Qui était toujours, tout cet été, était en compétition avec Barbie. Mmh. Ils sortaient en même temps. Et du coup, Oppenheimer a tout écrasé. Mais cette petite dualité a été mise en avant. C'était vraiment sympa. D'ailleurs, il y a eu une petite blague entre les acteurs respectifs des films. Il y a aussi, du coup, Ryan Gosling, qui a chanté la chanson I'm Just Ken avec son costume tout rose. Emma Stone a été aussi récompensée comme actrice dans son rôle dans Poor Things, Pauvre créature, qui est disponible sur Disney+, d'ailleurs, avec un discours super émouvant. Elle était toute mignonne et tout. Et donc, voilà, les éléments forts qui tournent en boucle sur TikTok. Je peux t'avouer un truc? Dis-moi. Je ne connais pas un gars que t'as cité. Ryan Gosling. Mais c'est celui qui fait Ken dans qui Barbie. Fait Ken dans Barbie, oui. Et vous croyez que j'étais me taper ce film, moi? Mais il fait plein de choses, Ryan Gosling. Il est... voilà. Emma Stone, elle joue dans Easy A, dans... Enfin, j'adore cette actrice. Elle est rousse, elle est magnifique. Eh ben c'est super. Franchement, ça ne me parle pas. Tu me rends compte que non seulement t'as pas gagné le cinéphile cette fois-ci, mais je pense que tu ne le gagneras jamais. Non, je suis plus cinéma français, moi, je vous le cache pas. Mais aux Oscars, c'est un peu plus compliqué. Il y avait même un chien, j'ai vu. Oui, l'anatomie d'une chute, film français. Voilà, ah. Un chat qui était présent, qu'ils ont fait applaudir en plus. Ah voilà, et là on peut dire. Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête, la fête. Merci Maëva. Avec plaisir. Si son poing a cassé l'écran tactile du studio, ce n'est pas un excès de colère. C'est la faute de Dix. Bingo, c'est le lancement du son. D'accord, c'est ça que tu veux. Mais non, il fallait faire un geste. Partout en podcast. C'est Jadoul. Tous les mercredis. Présentement. Présent. Bonsoir. C'est comme ça qu'on dit au Canada. Princesse ou. Je crois bien. Ouais. Présentement là pour vous dire aujourd'hui. Pour les radios canadiennes. Ouais, c'est vrai. Vrai il écoute ouais. Souvent. Ouais. J'aime beaucoup le Canada. On va piquer toutes nos le idées. Le Québec. Ça... On rigole, ça va. Bah, c'est ce qu'ils font tous, de toute façon, prendre des idées sur d'autres radios oui. Ailleurs. Et d'ailleurs, les je pense. Je salue les autres radios qui nous écoutent pour prendre ce de que nos jeux. Dire. Je pense pas qu'il y ait énormément de Canadiens en ce moment qui essayent de. Parce que bizarrement, des jeux de chez nous, on en entend beaucoup, mais deux jours plus tard ailleurs. En vrai, je trouve qu'on a des idées vraiment sympas. Ah oui. Bah, mais tout vient du Québec. Non, ça, c'est pas vrai. Non, tu fais des chouettes. C'est le moment où je. Là, elle est en train de te cirer les pompes. Non, mais attends, j'ai compris. Elle, là, on arrive tout doucement sur la fin de la saison. Là, elle le sent arriver. Elle voit le chèque. Ouais, t'inquiète pas. Profites-en, ça n'arrivera pas souvent. Mais je trouve que tu as le chic pour trouver des chouettes jeux et tout. Et même quand c'est pas des jeux, on te parle d'une séquence, on te donne une idée. Et toi, t'arrives à créer un univers autour et trouver un nom fun. Par exemple, je sais pas moi, fallait nous le dire plus tôt, on est arrivé avec une idée bancale, t'as trouvé le nom, t'as trouvé la manière de le faire, enfin, rendre chouette. Et donc, je trouve que c'est vraiment un don Jadoul. Et merci. Voilà. C'est mon petit rôle de producteur. Oui, mais tu fais ça bien. Merci. C'est gentil. Non, mais je saluais les autres radios qui viennent nous écouter pour eux avoir des idées. C'est ça que je disais. Ah là là, bon. La musique nous prend parfois. Et ça, il joue pas. Hein. On se demande pourquoi. Je vous propose que l'on fasse notre chrono quiz. Yes. Cool. Je vous rappelle le concept. Ça, c'est le chrono. 5 secondes, très précises, pour donner 3 réponses. Sinon, explosion. Un petit gong. Voilà. Explosion, explosion. Je vous propose que l'on en fasse 2 chacun. Ok. Et on fait le tour de la table. Antoine. Oui. Cite-moi 3 choses pour une soirée d'hiver réussie. Une raclette, un plaid et un chocolat chaud. Oh, il est fort, il est fort. On est d'accord que oui. D'hiver, c'était la saison. Oui, oui, pas d'hiver. Mmh. Non, ouais, on est d'accord, merci. Vert. Vert, oui. Chips. Oh là là. Maëva. Oui. Cite-moi 3 chansons qu'on écoute que dans un camping. Il y a du soleil et des nanas, les soleils des tropiques et la synchro. Ouais, voilà, bah, trop tard, c'était après le gong. J'ai explosé. Le point va toujours à Antoine pour le moment. Kix. Aïe. 3 odeurs étranges mais que t'adores. L'odeur d'épais. Non, l'odeur du frigo. Ah. Le chocolat. Kix. Mais le chocolat, ça sent bon. J'ai pris tout ce qui m'a passé par la tête. Hein. Et t'as perdu 4 secondes à faire une vanne. Mais c'est l'histoire de sa vie. Ah oui. C'est mignon. Moi, je faisais du tri chez moi, j'ai retrouvé des feuilles d'examen. Ah oui. Que j'avais pas jetées. Et je relis cet examen et je vois les commentaires au bic rouge du prof en mode ton arrogance pour faire de l'humour, tu peux te le garder. Moins 5. L'histoire de ma scolarité. Antoine. Oui. Cite-moi 3 choses que tu fais mieux le matin que le soir. Oula. Non, ça serait pas. Embrasser ta copine, quoi, merde. Embrasser ta copine, faire du café, prendre sa douche. Voilà. Non, je peux pas ça. Moi. Antoine rougit. Oh, Angélique, dis-nous tout. Sa meuf écoute la radio, donc tant qu'à faire. Oui. Hein, ouais. Allez, va. Oui. Cite-moi 3 repas que tu aimes faire. Ok. Quand tu as la flemme. Des ramen instantanés, des bouillons et des roico. Bravo. Tu en as dit 3 dans le temps à ma partie. Mais c'est quoi des ramen? Des ramen instantanés. Mais c'est, tu sais, t'achètes. Donc t'as les nouilles lyophilisées avec un petit sachet, tu rajoutes de l'eau. Ah, et bah moi je rajoute c'est... un peu plein de merde dedans, du fromage. C'est des haïkis, des quoi. Petites... Oui, mais non. Les pas de non. Marque. Non, mais pas les haïkis. Mais tu peux prendre des marques japonaises où c'est encore meilleur et tu peux prendre plein de goûts. Qui et... sont vraiment japonaises. Oui. Franchement, Mais... les ramen de Wavre, je crois que c'est... Non, parce que quand, ou coréen, je sais pas quoi, parce que quand je regarde des vidéos de Corée ou de Japon, ben, ils vendent ça, donc... Kix, trois choses qui t'agacent au supermarché. Quand les gens cherchent leurs pièces dans le portefeuille, les mauvaises odeurs, et quand il n'y a pas ce que je veux au rayon. Quand il n'y a pas ce que tu veux, on le prend, c'était sur le bon, mais on le prend, bravo Kix. Vous avez été bon. Franchement, bon chrono quiz, bon bilan. Mais on est à égalité, tout le monde a réussi qu'un seul. Bon bah c'est que c'est sur le blindlet que ça va se départager. Hein? Quid? Je remange les mots. Mais non. T'as le gel hydroalcoolique. Je remange les mots. C'est dans le blindlet que ça va se départager. C'est juste après la séquence tech d'Antoine. L'actu connecté. Internet. Et les dernières tendances. Internet. C'est avec Jadoul. En podcast. Il l'a demandé, je l'accepte. Oui, Antoine, tu peux faire ton entrée sur ta musique. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. Ah, il fait la toupie! Allez, relève-toi, vas-y, la chronique maintenant. Attends, merci. Parce que la tête tourne un peu. Ah ouais, ça, c'est des années de tectonique, Antoine. Il avait une autre vie, sachez-le, je l'ai trouvé sur son Skyblog que j'ai reparcouru. Il était fan de tectonique. C'est vrai? Il a eu sa période gothique. Bien sûr, vous avez fait. Et hippie. Oublie la crête aussi. La crête, bien c'est sûr. Pour faire antenne. La période hippie aussi, moi j'ai connu celle-là. Et lui, il avait des baladeurs MP3, stéréo, tout ce que tu veux, avec disque. Eh ben c'est du beau, Antoine, bravo. Oui. Une vie de débauche. Bref. Tout ça pour venir parler tech maintenant. Voilà, c'est ça. Donc, transport en commun. Transport en commun, oui, tout à fait. Belle transition. Comment tu veux que j'enchaîne là-dessus Non, c'est vrai. Tu mérites un autre lancement. Allez. Voici les news tech d'Antoine. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'Apple a sorti un nouveau MacBook Air. Voilà. Un nouveau MacBook Air. Les fans attendaient des iPad Pro. Ils ont eu des MacBook Air. Alors, pas de très grands changements à l'horizon. Hein. Rien côté esthétique. On a une nouvelle puce plus rapide. Un Wi-Fi plus rapide. Un changement appréciable, toutefois, c'est que pour la première fois, un MacBook Air qui a une puce Apple peut gérer deux écrans simultanés. Voilà, c'est la révolution. Ah, c'est pas possible? Jusqu'à présent, un MacBook Air ne pouvait gérer qu'un seul écran. Depuis qu'ils sont passés sur leur puce, depuis qu'ils ont quitté les puces Intel, un MacBook Air ne pouvait gérer qu'un seul écran à la fois. Donc le sien. Le sien, ou tu pouvais reclapper le MacBook et avoir un écran externe, quoi. Ah donc, okay. Je peux pas faire un double écran avec un MacBook Air classique? Maintenant, oui. Oui, mais avant, nouveau, oui, c'est ça. Voilà. Donc, ouais. Et pour ça, il vous faudra toujours débourser 1 300 € tarif d'entrée. Il y a quand même un point notable que pas mal de journalistes ont repéré dans le communiqué de presse d'Apple. C'est la première fois qu'Apple mentionne l'intelligence artificielle, car jusqu'à présent, Apple n'en parlait pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont en mettre? Aucune mention d'intelligence artificielle. Alors, il y a des rumeurs selon lesquelles Apple, lors de la Worldwide Developer Conference, c'est la conférence mondiale des développeurs des plateformes Apple, c'est toujours en juin, il y aurait des rumeurs comme quoi Apple pourrait enfin passer la seconde sur l'IA et en intégrer par exemple dans Siri. Ouais, bah attendez, ils viennent à peine d'abandonner l'automobile. Ils peuvent pas être sur tous les fronts en même temps. Hein. Voilà, donc affaire à suivre, comme on dit, dans ce cas-là. Ah, et c'est puis... cher. Moi, j'ai envie de l'acheter. J'ai vu le mail, je suis un pigeon, j'ai envie de l'acheter. Et toi, tu voudrais en faire quoi à côté de ton MacBook Pro? Ouais, c'est vrai. Allez, dans le reste de l'actualité, c'était hier la journée de la radio numérique. Oh. C'était hier à Bruxelles. Oh, on n'a même pas fêté c'était ça. C'était notre journée, voilà. Tous les grands acteurs étaient présents. Tous les grands acteurs en Belgique francophone étaient réunis pour parler radio numérique, ainsi que des acteurs étrangers. J'ai de vu France. Tous les patrons de radio se faire des câlins là en story. J'ai pas compris, mon cerveau a bugué. On n'en était pas très loin. On n'était pas très loin. Vous voulez qu'on fasse un câlin? Bon, on en fera, mais on n'est pas important. C'était là, il y avait Philippot. Enfin, il y avait tout le monde là-bas. C'était un truc. Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF, pour donner un peu de contexte. Il y avait aussi donc des acteurs étrangers de France, de Suisse, d'Allemagne qui étaient présents pour voir ce qui se fait chez nous. Car oui, la Belgique, on est dans les pays européens les plus en avance sur la numérisation de la radio. 46% des Belges écoutent la radio en numérique, par le DAB+, par l'internet ou par la télévision. Le moyen de réception de prédilection, ça reste quand même le DAB+, avec un auditeur sur 5 qui écoute via cette technologie. L'écoute en FM est en diminution, le numérique en augmentation. Il se murmure qu'on travaille déjà à la fin de la FM. Ben non. Oui, on commence possiblement à trouver une date. Bon, alors c'est pas pour tout de suite, rassurez-vous. Bon bah, reconversion professionnelle ou quoi? Non, la radio continue. En numérique. Ah, normalement... Okay. Normalement, c'est cette année qu'on devrait atteindre ce qu'on appelle la bascule. On va avoir 50% FM, 50% numérique. Donc, ce serait pour cette année. Alors, donc, on pense à la fin de la FM. C'est pas pour tout de suite parce que les stations, notamment les stations indépendantes, ne sont pas toutes complètement DAB+. Elles ont d'ailleurs profité de cette journée pour redemander plus de moyens aux politiques afin de permettre cette montée des radios locales sur le DAB+. Oui, parce que ça coûte cher. Hein. Le DAB+, je peux vous dire que Radio Chevauchoir, ils peuvent pas se le permettre. Surtout quand tu dois gérer ton émetteur FM et puis en plus gérer deux, trois émetteurs en plus en DAB+. Ça peut être compliqué. Ça va être un peu technique, mais en gros, c'est la RTBF qui gère tous les émetteurs DAB+, et il faut... Pas tous. Ah ouais ? En tout cas, sur certaines, pour certains coins en Wallonie, au niveau local, c'est pas la RTBF. À Bruxelles, oui. Les radios communautaires, oui. Mais par exemple, à Liège ou dans le Hainaut, ce n'est pas la RTBF. À part la RTBF et Fabien Schenkel, je ne vois pas qui peut mettre des pylônes. Qu'on embrasse qu'on embrasse, bien sûr, mais qui peut... Enfin, d'accord, ok, bon, bah, c'est une question un peu plus large. Donc en gros, bientôt la fin de la FM, quoi. Bientôt la fin de la FM, pas tout de suite, je vous rassure, mais on y travaille. Il faudra penser à changer de poste. Eh oui. C'est tout, Antoine ? C'est tout pour le moment. Mais du coup, s'il n'y a plus de FM, tous tes postes, ils vont plus te servir, Antoine ? Ben non, mais ils sont tous DAB+, mes postes. Enfin. Ah, pardon, excusez-moi. Même la radio qu'on a pris pour ton anniversaire ? Mais c'est exactement oui, ce que je disais. Elle est DAB+. Elle est DAB+. Elle est DAB+. Ah, c'est parfait. Ah, ils ne savent pas articuler, ils n'ont pas un physique facile et ils ne comprennent pas grand-chose. Oui, ils ont toutes les qualités pour être partout en podcast. C'est Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Maëva, échauffe ta voix. Ah. Non, il faut la belle envoler. Le... La la la la la la la la la. The Music Machine. The Music Machine. C'était un petit peu la version de comment elle s'appelle, Affida Turner. Ah oui, c'est vrai. Etienne. Fais-nous un peu Etienne. Etienne, Etienne. Waouh. Là, il y a quelque chose. Vous avez entendu la nouvelle dingue. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. La version Affida Turner, c'est une pépite. Bon, on la jouera la semaine prochaine. Oui. Notez-le. Hein. Ouais. Et pas sur les papiers que vous allez jeter. À chaque fois, vous notez toutes les idées sur les papiers et puis on les jette à la fin de l'émission. C'est pas une blague. Pour le coup, c'est une vraie anecdote. Il est temps d'accueillir un grand homme. On ne triche pas, ne triche pas. Je suis l'huissier du choir. Pour le petit Jadoul et toute son équipe. On ne triche pas, ne triche pas. La la la la la la. Je suis votre huissier et vous allez m'aimer toute la vie. Enfin, quand je dis un grand homme, il fait 1m60, mais... Ouais, même pas, les bras levés. Ouais. Je suis là, je vous entends. Ah, pardon. Bonsoir, mes amours, comment ça va ici? Vous nous aviez presque manqué. Presque. Je suis pas très sympathique, ça. Mais non. Presque manqué, vous avez dit presque manqué. Alors non, que bon, vous, vous m'avez beaucoup manqué. Vous êtes le petit soleil de notre émission. Ah, ça, je préfère. C'est mignon. D'ailleurs, on aurait même pu vous mettre une musique d'entrée. Je suis comme les fruits dans la sangria. De trop? Non, ça va, oui. Je pensais que c'était ça la comparaison, excusez-moi. Merci Maîtrise Pas d'être là. On rappelle qu'en dehors d'être un bon vivant... J'allais dire tout gorgé d'eau et spongieux. J'ai fait fire comme si j'entendais pas du tout ce qui se passe ici, c'est pas très gentil. Et bien taché par la vignasse, là. Vous savez, cette vieille sangria qui tache. Ramollie et presque écrasée, décolorée. Dans laquelle il faut mettre du sucre tellement elle est imbuvable. Bon, pardon. Maîtrise Pas, on vous aime et je voulais rappeler à tout le monde que vous êtes huissier de justice. Ouais. J'y vais pas vous écouter, j'y vais plus, c'est bon, parlez tout seul. Notez les points quand même. On va voir. Vous êtes là pour, donc ça nous arrangerait que vous notiez les points. En compétition ce soir, Antoine. Oui. Maëva. Oui. Et Kix. Yes. Attention, tout vient de TikTok. C'est un blind test, il faut reconnaître titre artiste, sauf que c'est des clètes qui chantent. On y va. Première manche. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Hey, qui laisse-moi. My Brand. Oh, bonne réponse, Antoine. C'est grâce laisse-moi à mon imitation. T'aimer. Une nuit. Enfin, solo, Maëva. Laisse Laisse-moi toute une nuit. Pardon, je vais marcher sur ton pied. Faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. On s'embrasse. Non, non, allez. Oh, mais enfin. Chanson suivante. Merci. Oh, c'était violent. Il fallait que je la calme, Paulette, parce que quand elle est lancée, elle y va. Toi, tu es mon soleil et mon orbite. Arrête. Laisse-moi t'aimer. Mais c'est l'alarme. Pim, pom, pim, pom. Hey. Oh là là, pas possible. On y va, on se fait la deuxième manche. Concentration. Je ne rêve plus. Serge Lama, je suis comme malade. Comme d'habitude. Je suis malade. C'est trop simple, Maëva. On va corser le truc la prochaine fois. Déjà que qui que ça a cru que c'était Hugues Claude François. Alors... Je suis malade, complètement malade. Ah. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait se laver. Mon désespoir, je suis. C'est pas son désespoir, c'est son d'espoir. Je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé. Je perds semblant l'être. Comment ils sont là, je vois. Flemme de chanter, j'ai l'impression. Hein. Bravo, monsieur. Le mec, il oublie des mots, mais pas grave. Non, pas grave, c'est lui. Je sais plus quel chanteur. J'allais balancer, mais. Genre, Renaud. À peu près. Non, mais Renaud, il chante plus. Renaud, il fait. C'est pire que ça. Il fait même plus ses gémissements. Ouais. Là maintenant, il démarre ses concerts. Il fait le premier mot de la chanson et puis il tend le micro en tremblant comme ça. Il fait. Bonsoir. Et là, il tend. Et c'est le public qui fait le reste. Vraiment, il y a plus rien choix à faire. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a un petit formulaire, un casting pour pouvoir aller au concert de Renaud, parce que si tu connais pas assez les chansons, tu rentres pas. Sinon, le concert, il est mort. Non mais c'est chaud là, Renaud. Il paye les gens maintenant pour y aller. Non mais c'est franchement impressionnant, le pauvre Renaud quoi. Renaud, mais c'est un pilier quoi. Et là il est. Aïe. Je voulais remercier la maison de disques Warner. Ouf. Bah il devrait s'arrêter. Hein. Ouais. Mais bon. Ça sert à rien de faire durer pour durer. Je suis désespéré. Il était douce comme le miel, comme je dis souvent. Ouais. Doit se recycler dans les voitures. Aïe. Bah oui, Renaud, voiture. Bon. Merci Geeks. On maîtrise pas, un avis sur la blague. C'était pas terrible, je parlais pas de la blague. Allez, ok, on fait les points alors. Je l'ai dit, Antoine a un point et Maëva a deux points. Waouh, et Kix? Kix, il est encore en vacances. Ah mais bah, il faut qu'il revienne, hein, allez. Concentre-toi Kix. Oui. Je pense que tu peux l'avoir. Troisième manche, vous aussi vous jouez dans la voiture avec nous. Taille-moi les hanches. La femme chocolat, Olivia Ruiz. Enfin, Maëva. Oh putain, j'ai trois. Je crois que c'est le seul que j'aurais pu avoir. J'ai donné un coup de poing d'énervement sur la console, je pense que je l'ai éclaté. Effectivement, c'était Olivia Ruiz. Taille-moi les hanches, à la hache, j'ai trop mangé de chocolat. Croque-moi la peau. Merci Olivia. Je deviens la femme chocolat. Ça donne envie. Dominique Vegas. Le sang qui coule en moi, c'est du chocolat. Profitez toujours de la stéréo, hein, qui est génial. Ah ouais. C'est le moment où, si vous nous écoutez en mono, vous avez de la chance. Hein. Là, j'ai mal à une oreille. Attention. À force de gonfler. Wow. Et je baillerai des clair. Une comète plantée entre les dents, mais sur terre. En attendant, je me transformerai en la femme chocolat. Merci beaucoup. Waouh. Wow. Je viens de récupérer sourd. Une oreille là. Attendez, je vous mets un peu de musique dans les oreilles parce qu'il faut les rincer de tout oui, ça. Il faut décrasser. Ah. Waouh. Wow, c'est bien ça. Waouh. Voilà, ça a mieux. Oh la vache. Je peux taper un petit peu et c'est bon. Non mais. La musique nous prend parfois. On va quand même avoir les dernières secondes, comme toujours, Réon, un grand spécialiste de la chanson. Taille-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat. Kisses. Everybody. Bye. Il était très gros son bisou. Là, voilà, on a le droit. Il s'est mouché. Oh, maîtrise pas, maîtrise pas. Avant de faire l'avant-dernière manche, 0 points pour Kix, 1 point pour Antoine et 3 points pour Maëva. Allez Kix. Oui, bah oui, j'essaye. Au moins pour l'honneur. Bah oui, bah il faut couper le micro de Maëva. Ok, allez hop. Non. Yes. Voilà, ça c'est fait. J'oublie que j'ai un bouton moi aussi. Ah merde. C'est vrai que j'ai beau parce le couper. Parce qu'il a vraiment coupé mon micro. Mais elle a un bouton pour l'allumer, c'est nul. Allez, on y va, avant-dernière manche, concentrez-vous, voici nos bobos de service. Comment puis-je oublier trois cafés gourmands à nos souvenirs. On veut du Clony Musette à en perdre la tête. On veut un dernier chabrol, un petit coup de gnole. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères. L'odeur de cette terre, puis sur les monétières. Ah pardon, c'était les vrais chanteurs. Excusez-moi. Bon, on va départager les points plus tard. D'abord, on savoure la magnifique voix, qui est tout aussi bonne que les trois cafés gourmands, de la famille Tom. On veut du Claudie Musette, à en perdre la tête. On veut un dernier chabrol, un petit coup de lion. Ils sont pieds nus, hein. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, oh. L'odeur de cette terre. Et pas de mes chaussettes. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est des petits-enfants, oui. De ce joli coin de France. Déjà que je trouvais la chanson, bon, très dédiée au café gourmand. Là, franchement, la version de nos bobos, là, ils sont trop. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Maman, serre-nous à boire. On a les yeux. Là, t'as la maman derrière encore. Palapalapapa, palapalapapa, on maîtrise pas, maîtrise pas. Moi, si je les ai comme voisins, je pense que je déménage. Ouais, ça se comprend, ça se comprend. Oh la vache. Moi, j'irai me mettre à côté s'ils sont pieds nus. C'est une blague. Kix est honneur d'un OnlyFans, on le rappelle. Maîtrise pas, les points. Chi. Vite. Toujours 0 point pour Kix, 1 point pour Antoine. Parfait. Et 4 points on y pour va. Maëva. Ah bah c'est nickel. On y va avec la toute dernière manche, la finale. C'est Daddy Miles, évidemment. Ah. On se concentre. Soyez bons, soyez rapides, parce qu'on a tout le temps. Et chante surtout. Allez. Allez. Être rapide. Putain, ils m'ont mis une intro longue. Le jour s'est levé. Téléphone, le jour s'est levé. Bonne réponse. Le jour s'est levé. Version d'Eddie Miles. Nous sommes ici pour croire. Rien donc à laisser croire. Il est très bon. Ah oui, s'en aller. On maîtrise pas, maîtrise pas. Maîtrise pas les points, s'il vous plaît. Pas chez Maëva qui remporte la 5 points. Oh, bah bravo Maëva. Soyez plus enjoués, maîtrise pas. Chez Maëva qui remporte la 5 points. Ah. On se retrouve la semaine prochaine d'ici là partout en podcast. Merci de nous avoir choisis. On vous souhaite une belle suite de semaine. Bravo Maëva pour ta victoire. Merci. A bientôt Antoine. Salut Kix. Ciao, ciao. Ciao. Bisous. Jadoul revient mercredi prochain.